إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، chers auditeurs, nous allons voir aujourd'hui les chapitres 59 et 60 du livre de l'unicité de l'imam Mohammed ibn Sulayman al-Tamimi rahimahullah ta'ala, dans lesquels il a parlé de sujets liés au destin et au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a intitulé le chapitre 59 « Chapitre au sujet de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala » يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. Ils ont des pensées sur Allah contraires à la vérité, des pensées dignes de l'époque de l'ignorance. Ils disent, détenons-nous une part du commandement, dit le commandement tout entier est à Allah. Puis il a mentionné une partie du verset 6 de Surat al-Fath, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ. Et il châtie les hypocrites et les polythéistes hommes et femmes qui pensent du mal d'Allah, c'est sur eux que le mal tombera. Donc ce chapitre, il concerne la bonne opinion que le croyant se doit d'avoir de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et cette bonne opinion, elle fait partie des choses nécessairement impliquées par la croyance du tawhid. Quant au fait d'avoir une mauvaise opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala, de penser du mal d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors ceci s'oppose au tawhid. Et c'est pour cela que le Cheikh rahimahullah ta'ala a mentionné ce chapitre dans ce livre. Il va donc nous mentionner l'explication de ce qui est visé par la mauvaise pensée à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ces versets. Et ce à travers une parole de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Et avant de lire cette parole, il est nécessaire de savoir que ce qui est visé dans ces versets, c'est une fois de plus le récit de la bataille de Uhud, lorsque les mécréants ont eu le dessus sur les musulmans. En raison du non-respect de l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam par une partie de l'armée. Après cette défaite, comme on l'a vu dans le cours d'hier, les hypocrites ont prononcé certaines mauvaises paroles. Et tel est l'hypocrite. Lorsqu'il voit que les gens de l'islam sont en difficulté, il profite de l'occasion pour les dénigrer, pour les rabaisser et pour manifester ce qu'il y a en lui comme hypocrisie et mécréance. Lorsque les musulmans sont touchés par une difficulté, ils essayent de rabaisser leur religion. Ils tentent de faire croire qu'ils ne sont touchés par ces malheurs qu'en raison de la fausseté de leur religion ou autre chose semblable, ou al-iyadu billah. Et ainsi sont les hypocrites depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce jusqu'à nos jours. Donc dans le verset de Surat Ali Imran, Allah subhanahu wa ta'ala a qualifié leur pensée comme étant une pensée digne de la jahiliya. Et dans le verset de Surat al-Fath, il l'a qualifié comme étant une pensée de mal, une mauvaise pensée. Et ce car, la jahiliya, l'époque pré-islamique, se caractérisait par le règne de l'ignorance et l'absence de science. Donc cette pensée qu'ils ont eue à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est digne de la jahiliya, dans le sens où elle s'oppose à la science, elle s'oppose au savoir, et elle démontre qu'ils ne connaissent pas Allah subhanahu wa ta'ala, ni ses noms et ses attributs, ainsi que sa louange et sa sagesse subhanahu wa ta'ala. Et c'est une mauvaise pensée car elle s'oppose à la bonne opinion que le croyant se doit d'avoir de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et comme on a dit, cette bonne opinion, elle fait partie de la concrétisation du tawhid. Quant à la mauvaise opinion à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors celle-ci relève de la mécréance. Donc le Cheikh rahimahullah ta'ala nous a mentionné une parole immense et très bénéfique de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala afin de nous expliquer le sens de ces versets. Il a donc dit, Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a dit au sujet du premier verset, c'est-à-dire le verset de Sourate Ali Imran, cette pensée, c'est-à-dire cette pensée qui ne convient pas au sujet d'Allah, a été expliquée par le fait de penser qu'Allah ne secourrait pas son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et que son cas allait être oublié, c'est-à-dire que sa religion allait disparaître. Ceci est la première explication qui a été donnée au sujet de ce verset. C'est-à-dire que la mauvaise pensée des hypocrites était qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne secourrait pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que cette religion allait disparaître lorsqu'ils ont vu que les musulmans ont subi une défaite le jour de Uhud. Ils ont pensé que c'était la fin de la religion de l'islam, et que les adeptes de cette religion mouriraient, puis qu'elle disparaîtrait. Il n'y a pas de doute que ceci est une mauvaise pensée à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit dans son livre? Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli walau kariha al-mushrikun. C'est lui qui a envoyé son messager avec la bonne voie et la religion de vérité pour la placer au-dessus de toute autre religion, en dépit de l'aversion des polythéistes. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a clairement informé que la religion de l'islam allait triompher. Donc, cette mauvaise pensée, digne de la jahiliya qu'ont eu les hypocrites, elle revient à démentir la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit, elle a aussi été expliquée par le fait que ce qu'il avait atteint, c'est-à-dire ce qui avait atteint le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme difficulté lors de cette bataille, ne résultait pas du décret d'Allah et de sa sagesse. Elle a donc été expliquée par le reniement de la sagesse et le reniement du destin, ainsi que le reniement du fait qu'Allah allait parachever la religion de son messager sallallahu alayhi wa sallam et la faire triompher sur toute autre religion. Ceci sont les trois explications qui ont été données au sujet de ce verset. Le reniement de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci relève de la mécréance. Car Allah subhanahu wa ta'ala s'est décrit par l'attribut de la sagesse. Et il se donnait comme nom Al-Hakim, le sage par excellence. Et ce, dans de nombreux versets du Coran. Donc, celui qui renie la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a alors mécru. Car Allah subhanahu wa ta'ala est Hakim. Il est le sage par excellence et il ne fait rien si ce n'est en raison d'une sagesse immense. Et ils ont vu que les musulmans avaient subi une défaite. Ils n'ont pas saisi que même derrière cela, même derrière une défaite, même derrière une calamité, même derrière la maladie, et ainsi de suite parmi les méfaits qui peuvent toucher le croyant, même derrière tout cela, il y a une sagesse de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette sagesse, il se peut qu'elle nous apparaisse et que nous en ayons connaissance, mais il se peut également que nous l'ignorons. L'essentiel est que tu aies la certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne fait rien en vain. Mais tout ce qu'il fait subhanahu wa ta'ala, c'est pour une sagesse immense. Et ce n'est pas une condition que tu aies connaissance de cette sagesse. Ce qui t'incombe à toi, c'est d'avoir la certitude que ceci a eu lieu pour une sagesse, même si tu l'ignores. La deuxième explication au sujet de cette pensée qui est visé dans ce verset, c'est le reniement du destin. Et ceci également relève de la mécréance, comme on l'a vu dans le cours d'hier, c'est le sixième pilier de la foi. Et la troisième explication au sujet de cette mauvaise pensée qu'ils ont eue, c'est que la religion du messager, sallallahu alayhi wa sallam, n'allait pas triompher sur les autres religions. Et ça, comme on a dit, cela revient à traiter de mensonge la promesse d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah, subhanahu wa ta'ala, il dit dans son livre, إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. Nous secourons certes nos messagers et ceux qui ont cru, ceux qui ont eu la foi dans ce bas monde et le jour où les témoins se dresseront, c'est-à-dire au jour de la résurrection. Allah subhanahu wa ta'ala, il a promis le triomphe de cette religion et le triomphe des croyants. Quant aux hypocrites, ils pensaient que la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam allait disparaître, comme c'est le cas de toutes les idéologies et les voies corrompues et erronées, qui finissent un jour ou l'autre par disparaître, à ne plus avoir de suiveurs. Mais la vérité, elle perdurera quoi qu'il arrive, même si les croyants subissent des épreuves, même si les croyants sont, à certaines époques ou en certains lieux, éprouvés, oppressés et victimes d'injustice, même si les gens du faux, parmi les mécréants et les polythéistes, ont parfois le dessus sur eux dans certains endroits et à certaines époques, la vérité, elle perdure et elle perdurera jusqu'au jour de la résurrection. Et tu dois avoir la certitude de cela. Aussi dures soient les épreuves, cette religion perdurera. C'est la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne dois donc pas avoir peur pour la religion. Mais la peur, elle est pour nous-mêmes. Est-ce que nous allons rester fermes sur cette religion? C'est pour cela que chacun d'entre nous doit se concentrer sur sa propre personne et faire les causes pour rester ferme sur cette religion, quelles que soient les épreuves par lesquelles nous sommes touchés. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de raffermir nos cœurs sur sa religion. Et ces épreuves, tu dois avoir la certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a décrétées pour une grande sagesse, comme on a dit. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'éprouve pas les croyants afin de les faire disparaître ou afin de les faire souffrir, mais il éprouve les croyants. Il leur fait subir certaines difficultés afin de les tester, de tester leur foi, et également de les faire revenir à lui, subhanahu wa ta'ala, en raison d'une erreur ou de péché qu'ils ont commis. Et si les musulmans, de manière générale, sont faibles, l'objectif derrière cela est de les rappeler à l'ordre, afin qu'ils purifient leur rang et qu'ils reviennent à la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, comme il se doit. Et si les gens de l'islam reviennent à la religion comme il se doit, reviennent au Coran et à la Sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs, alors le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala leur a été promis. Donc les épreuves et les difficultés que subissent les gens de l'islam, l'objectif qu'il y a derrière cela, ce n'est pas de les faire disparaître ou de les anéantir, mais l'objectif c'est de purifier les rangs des gens de l'islam et de leur permettre de se corriger et de se réformer, et de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur redonne leur puissance et leur accorde son secours subhanahu wa ta'ala après qu'ils se soient repentis et qu'ils soient revenus à lui. Ensuite, Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dit dans la parole que l'auteur a citée: « Telle est la mauvaise pensée qu'ont eue les hypocrites et les polythéistes dans Surat al-Fath. Et cette pensée est mauvaise, car elle s'oppose à ce qui convient à Allah, à sa sagesse, à sa louange et à sa promesse véridique. » Allah subhanahu wa ta'ala est loué, quelle que soit la situation. Que tu sois dans l'aisance ou dans la difficulté, tu te dois de louer Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ala kulli hal. Louange à Allah, quelle que soit la situation. Et tu dois te rappeler que si une personne est touchée par un châtiment, ceci n'est pas une injustice, mais cela relève de l'équité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car nul n'est touché par un châtiment ou un mal sans qu'il ne le mérite. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala anéantit des communautés mécréantes, ceci est en rétribution de leur mécréance. Ceci relève donc de son équité subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde de ses bienfaits aux gens de la foi, qui leur accorde le secours, qui leur accorde la réussite, alors ceci est une grâce de sa part, subhanahu wa ta'ala, et quelle que soit la situation, on se doit de le louer. Ensuite, Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a dit: par conséquent, celui qui pense qu'Allah donnera constamment au faux la victoire sur la vérité, de sorte à ce que celle-ci disparaisse, qui renie que ce qui se passe résulte de son décret et son destin, ou qui renie que son destin renferme une sagesse profonde pour laquelle il mérite les louanges, et qui prétend plutôt que c'est une volonté dépourvue de sagesse, eh bien sa pensée est celle de ceux qui ont mécru, malheur donc en enfer à ceux qui ont mécru. Ces pensées ne sont pas dignes des croyants, mais comme il est mentionné dans le verset, elles sont dignes de l'époque de l'ignorance, l'époque de la jahiliya. Même si Allah subhanahu wa ta'ala donne temporairement aux faux ou aux gens du faux la victoire sur les gens de la vérité ne disparaîtra pas. Mais la vérité sera toujours présente jusqu'au jour de la résurrection. Et l'objectif, comme on a dit, c'est une grande sagesse. C'est que les musulmans se réforment, se corrigent et reviennent à la religion comme il se doit. Et telle doit être l'opinion que le croyant se doit d'avoir de son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Ibn al-Qayyim nous dit: la majorité des gens ont des mauvaises pensées à l'égard d'Allah, au sujet de ce qui les concerne personnellement, c'est-à-dire au sujet de ce qui les touche, et de ce qui arrive aux autres. Ce qui arrive aux autres parmi les gens. Nul n'est épargné de cela. Nul n'est épargné de cela. en dehors de celui qui connaît Allah, ses noms, ses attributs et ce qu'implique nécessairement sa sagesse et sa louange. Allahu Akbar. Celui qui connaît réellement Allah subhanahu wa ta'ala, qui connaît ses noms et ses attributs, et qui connaît ce qu'implique sa louange et sa sagesse, alors il ne tombera pas dans ce genre de pensée, bi'idhnillahi ta'ala. Même s'il se trouve dans une grande difficulté, il sait avec certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne fait pas une chose et ne décrète pas une chose sans que celle-ci renferme une sagesse immense. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il patiente. Il est satisfait de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a décrété. Et il attend le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne désespère pas de la miséricorde d'Allah, mais il l'attend avec patience et endurance. Et plus la difficulté est dure, plus sa confiance et son espoir en Allah subhanahu wa ta'ala augmentent. Car il sait que plus la difficulté est dure, plus le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala approche. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, et sache que le secours vient avec la patience et que la délivrance vient avec la difficulté et qu'avec la difficulté il y a une facilité. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans son noble livre, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Avec la difficulté vient certes une facilité, avec la difficulté vient certes une facilité. Le croyant doit avoir la certitude de cela. Que plus l'épreuve est dure, plus le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala est proche. Quant aux hypocrites, aux mécréants ou aux ignorants, lorsqu'ils sont dans des difficultés, ils désespèrent de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et mécroient en lui et en son décret subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que, lorsque les musulmans ont subi cette défaite à Uhud, les hypocrites ont prononcé ces mauvaises paroles. Ensuite, Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a dit: celui qui est perspicace et sincère envers lui-même doit donc donner de l'importance à cela, l'importance à la bonne opinion qu'il se doit d'avoir envers son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Celui qui est perspicace et sincère envers lui-même doit donc donner de l'importance à cela, se repentir à Allah et implorer son pardon pour avoir eu une mauvaise pensée de son Seigneur. C'est-à-dire que s'il t'arrive d'être touché par une telle pensée, que ceci te passe par la tête, tu implores le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu te repens à lui. Et tu donnes de l'importance au fait de corriger cette pensée et d'avoir toujours une bonne opinion de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Ensuite il dit: et qui que tu examines, tu verras chez lui une forme d'obstination et de blâme vis-à-vis du destin. Et qu'il dit qu'il aurait dû se passer ceci et cela. C'est-à-dire que ceci est courant chez les gens, chez nombre de personnes. Il aurait dû se passer ceci. Si j'avais fait ainsi, il ne se serait pas passé cela. S'il était venu, ça ne se serait pas passé comme ça. Et ainsi de suite. Et comme on l'a vu dans le cours d'hier, ceci entre dans l'interdiction mentionnée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith. Il dit ensuite: cela est peu présent chez certains et beaucoup chez d'autres. Cela dépend des personnes. Il y a des personnes à qui cela arrive rarement et d'autres chez qui cela se produit plus souvent. Ensuite, il termine en disant: examine donc ta personne afin de savoir si tu en es épargné. Puis il suit un vers de poésie dans le sens rapproché: si tu es sauvé de cela, tu es sauvé d'une grande calamité, sinon je ne pense pas te voir sauvé. Nul n'est à l'abri de cela parmi nous. Et personne ne peut prétendre être à l'abri de ses mauvaises pensées. Mais on se doit de purifier nos cœurs, de nous corriger, nous réformer et implorer l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il nous guide, qu'il raffermisse nos cœurs, qu'il les purifie de ces mauvaises pensées et qu'il nous aide à apprendre la science, apprendre la science de ses noms et ses attributs afin de le connaître subhanahu wa ta'ala, d'être conscient de sa grandeur, d'être conscient de la noblesse et de la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de pouvoir nous réformer et nous corriger à ce sujet. On tire donc de ces deux versets et de leur explication, plusieurs bénéfices. Premièrement, le fait qu'il est obligatoire d'avoir une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que ceci est une obligation impliquée par le tawhid. Deuxièmement, que le fait d'avoir une mauvaise opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala et des mauvaises pensées à son égard, cela s'oppose au tawhid, ou alors cela s'oppose à sa perfection, et ce, selon la situation. C'est-à-dire que cela s'oppose à la base du tawhid, si cela est fréquent et continu, c'est-à-dire que la personne persiste sur ses pensées. Et cela s'oppose à la perfection du tawhid si cela est une chose ponctuelle, qui vient, qui passe par la tête puis qui part, et que la personne n'en parle pas et ne persiste pas sur cela. Dans ce cas-là, cela s'oppose à la perfection du tawhid. Quant à celui qui en parle et qui reste sur cela, qui persiste sur cette mauvaise pensée, alors ceci s'oppose à la base du tawhid. Le troisième bénéfice que l'on tire de cela, c'est l'affirmation du décret du destin, et que tout ce qui se passe ici-bas, parmi les calamités, les choses que le serviteur aime ou les choses que le serviteur réprouve, tout cela a lieu par le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on va détailler cela dans le chapitre suivant. Quatrièmement, on tire comme bénéfice de ces versets et de leur explication l'affirmation de l'attribut de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il ne fait rien sans que son acte renferme une sagesse immense. Il ne fait rien en vain, subhanahu wa ta'ala. Enfin, on tire comme bénéfice de ces versets et de leur explication que la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala se concrétise inévitablement et qu'il ne manque jamais à sa promesse. Et il a promis que cette religion allait triompher, qu'elle aurait le dessus sur toutes les autres religions. Et si tu médites même sur la situation que l'on vit aujourd'hui, malgré la faiblesse dans laquelle se trouvent nombre de musulmans et l'oppression qu'ils peuvent subir dans différents endroits du monde, ne vois-tu pas que cette religion a atteint l'Est et l'Ouest? Ne vois-tu pas qu'il n'y a pas un pays ici-bas sans que cette religion y soit parvenue? Et ceci fait partie de la concrétisation de la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, afin de le faire triompher sur toutes les religions. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ, quelle qu'en soit l'aversion des polythéistes. Et on voit à travers cela que la pensée des hypocrites était une mauvaise pensée à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car ils ont pensé qu'après la défaite que les musulmans ont subie à Uhud, cette religion allait disparaître. Et regardez aujourd'hui, plusieurs siècles après, et les suiveurs de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne cessent d'augmenter de jour en jour. Et les louanges sont à Allah subhanahu wa ta'ala. On va donc maintenant passer au chapitre suivant, qui est le chapitre 60, que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a intitulé « Chapitre au sujet de ceux qui renient le destin ». Donc ce chapitre, c'est un chapitre très important. Car la foi au destin, comme on a vu, c'est un des piliers de la foi. Celui qui n'a pas foi au destin, il est mécréant. Il est donc obligatoire pour le croyant d'avoir foi avec certitude au destin et au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le destin, c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait parfaitement toute chose, et ce, avant même qu'elle ne se produise, avant même qu'elle n'existe. Et il a ordonné que soit écrit cela sur la tablette préservée, subhanahu wa ta'ala. Donc, tout ce qui se produit dans ce bas monde, Allah subhanahu wa ta'ala le sait, et Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait écrire sur la tablette préservée. Et rien ne se produit si ce n'est par le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa volonté. Et il y a de nombreuses preuves à ce sujet dans la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et l'auteur nous a mentionné quelques hadiths à ce sujet. Le premier hadith est le hadith d'Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma, qui a dit: par celui qui détient l'âme d'Ibn Umar en sa main, si l'un d'entre eux possédait l'équivalent de Uhud en or et qu'il le dépensait sur le sentier d'Allah, Allah ne l'accepterait pas de lui jusqu'à ce qu'il croit au destin. Donc cette parole, elle a été prononcée par Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma, lorsqu'est apparu à la fin de sa vie des gens qui reniaient le destin et qu'il a été interrogé à leur sujet. Il a donc répondu cette réponse. Et ces gens sont apparus à la fin de la vie des compagnons radiyallahu ta'ala anhum, après le règne des califes bien guidés, après le califat de Muawiya radiyallahu ta'ala anhum ajma'in, et ce, à la fin de la vie d'Ibn Umar, d'Ibn Abbas et autres parmi les compagnons. Un homme du nom de Ma'bad al-Juhani est apparu à Bassora et il reniait le destin. Alors, Yahya ibn Ya'mar et Humayd ibn Abd al-Rahman al-Himyari sont venus à Mecca pour le pèlerinage ou pour la Umrah, espérant rencontrer un des compagnons afin de l'interroger au sujet de la parole de cet homme qui reniait le destin. Et tu vois en cela que les musulmans, depuis les premiers siècles, Lorsqu'une chose leur pose problème, qu'est-ce qu'ils font? Ils reviennent aux savants et les interrogent. Ils ne prennent pas des décisions par eux-mêmes. Ou chacun d'entre eux donne son avis, chacun d'entre eux défend son opinion, puis ils se divisent en groupes, en sectes et en partis, chacun d'entre eux défendant son idée ou son opinion. Ceci n'est pas le comportement que se doivent d'adopter les gens de l'islam. Mais lorsqu'une chose nous pose problème, qu'il y a une divergence, qu'il y a une question problématique qui touche la communauté, on se doit de revenir aux gens de science, et plus particulièrement les grands savants. Regarde ces deux hommes, ils sont venus de Bassora jusqu'à la Mecque, pourquoi? Pour poser une seule question, espérant rencontrer un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Malgré la difficulté des voyages à cette époque, ils ont parcouru cette longue distance pour une seule question. Et ceci nous montre l'importance du questionnement des gens de science et l'obligation de revenir à eux lors des épreuves, des calamités, des divergences ou autres. Et médite sur le fait qu'ils espéraient rencontrer un compagnon. Ils ne se sont pas dirigés vers n'importe qui, mais ils se sont dirigés vers les plus savants. Et c'est ainsi que doit agir le musulman, revenir vers les plus savants. Même si cela doit prendre du temps. Même si cela te demande des efforts, même si tu dois voyager pour cela, même si tu dois patienter des jours, des semaines ou des mois pour avoir ta réponse, tu reviens aux gens de science. Et tu ne fais pas comme le font les gens aujourd'hui. Dès qu'ils ont une question, ils ouvrent Google, ils vont sur Internet, ils cherchent une réponse, et chacun suit l'avis qui correspond à ses désirs, qui correspond à ses passions, et ainsi de suite. Mais l'obligation est de revenir aux gens de science. Notamment lorsque cela concerne des sujets importants qui touchent la croyance. Donc ces deux hommes, ils ont trouvé Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala anhuma, alors qu'ils rentraient au masjid al-Haram, et ils lui ont dit: Ô Abu Abdurrahman, il y a un homme qui est apparu chez nous et qui dit ceci et cela, qui renie le destin. Alors Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala anhuma a juré par Allah. Et il a dit que si l'un d'entre eux possédait l'équivalent de Uhud en or, c'est un montant immense, une somme considérable. Et qu'il le dépensait sur le sentier d'Allah. Qu'il le dépensait pour la lutte sur le sentier d'Allah. Ceci fait partie des choses les plus méritoires. Donc il dépense une somme immense pour un acte qui fait partie des actes les plus méritoires. Malgré cela, si ces gens dépensaient cette somme pour cette raison, ceci ne sera pas accepté. De pourquoi? En raison de leur mécréance, du fait qu'ils ne croient pas au destin. Donc ceci est une preuve très claire de l'obligation de croire au destin. Ensuite, Ibn Umar, radiyallahu ta'ala anhuma, il a mentionné sa preuve. Il a cité une parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, mon père m'a rapporté qu'un jour, ils étaient assis auprès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Puis il lui a mentionné le hadith bien connu, hadith d'Ibril, alayhi salam. Et dans ce hadith, il y a la question de Jibril au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, au sujet de la foi. Et la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui dit: la foi, c'est que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, aux messagers, au jour dernier, et que tu crois au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Et ce hadith est rapporté par l'imam muslim, rahimahullah ta'ala. On voit donc très clairement dans celui-ci que la foi au destin fait partie des six piliers de la foi. Et les gens de science ont même dit que c'est un pilier très important, et pour cette raison, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a insisté à répéter le verbe. C'est que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers au jour dernier, et que tu crois au destin, qu'il soit bon ou mauvais, afin de nous montrer l'importance de la foi au destin. Et la foi au destin, elle comprend la foi en quatre choses. Elle a quatre degrés. Le premier, c'est que tu crois avec certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait toutes choses. Il sait tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe, tout ce qui va se passer, et même ce qui ne se passe pas, si cela se passerait, il sait comment cela se passerait. Allah subhanahu wa ta'ala sait toutes choses et rien ne lui échappe. Il dit subhanahu wa ta'ala dans son noble livre, Wa huwa bi kulli shay'in alim. Et il sait parfaitement toutes choses. Il fait donc partie de la foi au destin que tu crois avec certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait parfaitement toutes choses. Et celui qui renie cela, alors c'est un mécréant. La deuxième chose, ou le deuxième degré, c'est de croire avec certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala a écrit toute chose sur la tablette préservée. Et celui qui renie cette écriture, alors il ne croit pas au destin. La troisième chose, ou le troisième degré, c'est que tu crois avec certitude en la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que tout ce qui se produit ne se produit que par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la quatrième chose, le quatrième degré, c'est que tu crois avec certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé toute chose. Il n'existe rien dans cet univers sans que cela ne fasse partie de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit dans son noble livre, « Wallahu khalaqakum wa ma ta'amaloun » Allah vous a créé, vous, et ce que vous œuvrez, vos œuvres, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les a créées. Allahu khaliqu kulli shay. Allah est le créateur de toute chose. Donc toute chose qui existe, comme bien ou comme mal, comme mécréance, comme foi, comme obéissance, comme péché, comme richesse, comme pauvreté, comme malade, comme santé, ainsi de suite, tout cela fait partie de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tu dois savoir que les choses qui sont mauvaises pour nous, que l'on considère comme un mal, comme la maladie, la pauvreté, en ce qui concerne Allah subhanahu wa ta'ala, le fait qu'il le décrète, c'est un bien et cela fait partie de sa sagesse et de son équité, comme on l'a mentionné dans le chapitre précédent. Mais cela n'est un mal que pour celui qui est touché par cette chose. Mais en ce qui concerne Allah subhanahu wa ta'ala, cela est un bien, car cela fait partie de sa sagesse et de son équité subhanahu wa ta'ala. Ceci sont donc les quatre degrés de la foi au destin. Le fait de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait toute chose, de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a écrit toute chose, le fait de croire que rien ne se produit si ce n'est par sa volonté, et le fait de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé toute chose. Il est obligatoire pour nous de croire au destin de cette manière, tel que cela nous est mentionné dans les textes du Coran et de la Sunna. Et il ne t'incombe pas de te poser trop de questions sur les détails du destin. Mais tu te contentes d'y avoir foi globalement, comme cela est mentionné dans les textes. Tu crois en tout ce qui est venu dans le Coran et la Sunna à ce sujet. Et tu t'efforces d'œuvrer dans le bien, de te soumettre aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, de t'écarter de ses interdits, car c'est de cela dont tu as été chargé. Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas chargé de connaître les détails du destin, mais il t'a chargé de son adoration, de lui obéir, de te soumettre à ses ordres et de délaisser ses interdits. Et ce qui t'a été destiné, cela va t'arriver. C'est pour cela que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum que la place de chacun d'entre nous était écrite au paradis ou en enfer, ils ont alors dit « Ô messager d'Allah, si telle est la situation, alors pourquoi ne pas nous reposer sur ce qui a été écrit pour nous ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a alors dit « Œuvrez, car chacun d'entre vous sera facilité pour ce quoi il a été créé. » Puis il récita la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala « فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى » Ce sont donc les versets 5 à 10 de Sourate al-Layl. « Celui qui donne et fait preuve de piété » et déclare véridique la plus belle récompense. Nous lui faciliterons la voie au plus grand bonheur. Quant à celui qui est avare et se dispense de l'adoration d'Allah et traite de mensonge la plus belle récompense, nous lui faciliterons la voie à la plus grande difficulté. Donc ce qu'il t'incombe de ton côté, c'est de croire en Allah subhanahu wa ta'ala, de croire en son destin et d'œuvrer selon ce qu'il t'a ordonné. Tu es capable d'œuvrer. Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné cette faculté. Il t'a donné ton libre arbitre. Il t'a ordonné d'accomplir le bien et de délaisser le mal, de multiplier les bonnes actions et de délaisser les mauvaises actions. C'est cela qui est attendu de toi. Quant au fait de chercher les détails du destin et de te poser des questions sur les détails du destin, ceci ne t'est pas demandé, n'est pas attendu de toi. Il t'est simplement demandé d'avoir foi au destin et d'œuvrer dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le cheikh, rahimahullah ta'ala, a mentionné un deuxième hadith et il a dit « Ubada ibn Samit, radiyallahu ta'ala anhu, a dit, conseillant son fils, « Ya Bunay, ô mon fils, tu ne trouveras pas la douceur de la foi tant que tu ne sauras pas que ce qui t'a atteint ne pouvait t'échapper et que ce qui t'a échappé ne pouvait t'atteindre. » Regardez les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, comment ils conseillaient leurs enfants. Comment il leur inculquait dès leur plus jeune âge la croyance authentique. Il lui enseigne ici la croyance au destin. Et il lui dit qu'il ne pourra pas trouver la douceur de la foi, le goût de la foi, tant qu'il n'aura pas foi au destin. En effet, celui qui a foi au destin, Comme on l'a dit dans le cours d'hier, son âme est apaisée. Car même s'il est touché par une épreuve, une calamité, une maladie ou autre, il sait que ceci est le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala et que cela ne pouvait pas lui échapper. Il sait avec certitude que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a décrété cela et qu'il ne pouvait pas y échapper. Donc, il est satisfait de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété. Il fait preuve de patience. Il ne s'indigne pas. Il n'est pas mécontent de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété, mais il fait preuve de patience et d'endurance. Et si telle est sa situation, alors Allah subhanahu wa ta'ala rendra sa poitrine apaisée. Il va donc goûter la douceur de la foi, le goût de la foi même lors des difficultés. Et c'est pour cela que le croyant, quelle que soit sa situation, il vit une bonne vie ici-bas. Même s'il est touché par des difficultés, sa vie est bonne, sa vie est plaisante. Car quoi qu'il lui arrive, il sait que c'est un bien pour lui. S'il est dans l'aisance, il est reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala et c'est un bien pour lui. Et s'il est dans la difficulté, il fait preuve de patience et c'est un bien pour lui. Quant à celui qui ne croit pas au destin, à chaque fois qu'il est touché par une difficulté, il est plongé dans l'angoisse et les inquiétudes. Il s'indigne, il se révolte contre le destin, il se blâme. Pourquoi j'ai fait ceci? Pourquoi j'ai fait cela? Et pourquoi il m'est arrivé cela? Et pourquoi je suis passé par là? Et pourquoi j'ai pris cette décision? Il est toujours plein de regrets. Donc en plus de la calamité par laquelle il est touché, il souffre de cette inquiétude et de cette angoisse, en raison du fait qu'il ne croit pas au destin ou alors que sa foi au destin est faible et déficiente. Tu vois donc les mérites et les bénéfices de la foi au destin pour toi et ceux dans ton quotidien. Ensuite, Ubada radiallahu anhu, il dit à son fils, après lui avoir dit cela, « J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, la première chose qu'Allah a créée est la plume. Il lui a alors dit, écris. Elle répondit, ô Seigneur, mais que dois-je écrire? Il dit, écris le destin de toute chose jusqu'au jour de l'heure. Donc ce hadith, c'est une preuve que tout ce qui se produit ici-bas est écrit. Et ce, jusqu'au jour de la résurrection. Depuis le début de la création, jusqu'à sa fin, jusqu'à la venue de l'heure, tout ce qui se produit est décrété et écrit. Et comme on a vu, ceci fait partie des degrés de la foi au destin. Ensuite, Ubada termine en disant à son fils, ô mon fils, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, celui qui meurt sur autre que cela ne fait pas partie de moi. C'est-à-dire que celui qui meurt sans croire au destin, qui ne se repent pas à Allah subhanahu wa ta'ala avant sa mort, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam est innocent de lui. Il le désavoue. Ceci est donc une menace sévère à l'encontre de ceux qui renient le destin. Ensuite, il a mentionné une autre narration rapportée par Ibn Wahb, dans laquelle le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui ne croit pas au destin, en son bien et en son mal, Allah le brûlera par le feu. C'est une autre menace à l'encontre de ceux qui renient le destin. Allah le brûlera par le feu. Ceci nous indique qu'il est obligatoire pour le croyant d'avoir foi avec certitude au destin. Et c'est une obligation. Et celui qui renie cela, alors il est sous la menace du feu de l'enfer en raison de sa mécréance ou de son égarement en fonction de ce qu'il a renié de cela. Enfin, le shir, rahimahullah ta'ala, a mentionné un quatrième hadith et il a dit. Et dans le Musnad et le Sunan, d'après Ibn Daylami, rahimahullah ta'ala, qui a dit, je me suis rendu auprès de Obay ibn Ka'b, un des compagnons, et je lui ai dit, j'ai en moi une chose concernant le destin, c'est-à-dire j'ai en moi un doute. Alors, rapporte-moi une chose, peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala fera disparaître cela de mon cœur. Et c'est ainsi que doit être le musulman qui recherche la vérité. S'il a un doute au sujet de sa croyance, il se rend auprès des gens de science et leur pose des questions afin de dissiper ce doute. Il ne suit pas ce doute, il ne persiste pas sur celui-ci, il sait qu'il y a un problème, donc il se rend vers les gens de science et les interroge afin de dissiper ce doute. Celui-ci donc il est revenu au compagnon, Ubay ibn Ka'b, et lui demande de lui rapporter une chose du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car Ubay ibn Ka'b fait partie des compagnons. Rapporte-moi une chose du prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin de dissiper ce doute. Et ceci nous montre que la science, elle dissipe les doutes. Elle fait disparaître les suggestions du diable. La guérison donc, contre les doutes, contre les ambiguïtés, c'est l'apprentissage de la science. Et cette science, elle doit s'apprendre auprès des gens de science. N'est pas partie vers n'importe qui. mais il s'est rendu auprès d'un compagnon, rahimahullah, wa radiyallahu ta'ala anhu. Donc Obay lui a répondu, si tu dépensais l'équivalent de Uhud en or, Allah ne l'accepterait pas de toi jusqu'à ce que tu croies au destin, et que tu saches que ce qui t'a atteint ne pouvait pas t'échapper, et que ce qui t'a échappé ne pouvait pas t'atteindre. Et si tu meurs sur autre que cela, tu ferais partie des gens du feu. Donc on voit que cette parole est semblable à celle de Ubadah dans la recommandation qu'il a adressée à son fils. Et elle est semblable également à celle d'Ibn Umar lorsqu'il a répondu au sujet de ceux qui reniaient le destin, que s'ils dépensaient l'équivalent de Uhud en or, ceux-ci ne seraient pas acceptés d'eux jusqu'à ce qu'ils croient au destin. Tu vois donc que les paroles des compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, elles se ressemblent. Pourquoi? Car ils ont puisé la science de la même source. Ils ont appris auprès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne parlaient pas selon leurs opinions, selon leurs avis, mais ils se basaient sur les propos du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ainsi que sont les gens de science. Ils ne prononcent pas des opinions ou des avis selon leurs passions, selon leurs désirs. Mais ils se basent sur les textes du Coran et sur les textes de la Sunna authentique. Et c'est pour cela que, si tu te rends auprès d'un savant des gens de la Sunna et que tu l'interroges sur une question, quel que soit l'endroit ou quelle que soit l'époque, tu verras que leurs réponses seront similaires. Même si ce n'est pas les mêmes mots, même si ce n'est pas les mêmes phrases, la réponse sera relativement proche car ils puisent leur science des mêmes sources, qui sont le Coran et la Sunna, selon la compréhension des pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala. Ensuite, Ibn Daylami nous dit qu'il s'est rendu auprès de Abdullah ibn Mas'ud, de Hudhayfa ibn al-Yaman et Zayd ibn Thabit, donc trois autres des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tous lui ont rapporté la même chose du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est rapporté que Ubay ibn Ka'b, après lui avoir répondu, l'a envoyé vers Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud, lorsqu'il lui a répondu, il l'a envoyé vers Hudhayfa ibn al-Yaman. Et Hudhayfa ibn al-Yaman, après lui avoir répondu, il l'a envoyé vers Zayd ibn Thabit. C'est-à-dire que chacun d'entre eux renvoyait vers un autre. Pourquoi? Afin de l'aider à dissiper ce qu'il avait en lui, pour qu'il ait la certitude à ce sujet. Donc tous l'ont informé que la foi au destin est une chose obligatoire. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte aucune œuvre de celui qui ne croit pas au destin. Et celui qui ne croit pas au destin fait partie des gens du feu, wal'iyadu billah. Il y a donc de nombreux bénéfices que l'on peut tirer de ces hadiths. On se contentera ici d'en citer quelques-uns. Le premier est l'obligation de la foi au destin. Car, comme on a dit, cela fait partie des piliers de la foi. Le deuxième bénéfice, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a écrit le destin de toutes choses sur la tablette préservée. Et ce qu'il a écrit, subhanahu wa ta'ala, c'est ce qu'il sait qu'il va se produire. On a vu le premier degré, c'est d'avoir la foi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait toutes choses. Tout ce qu'il va se passer et tout ce qu'il s'est passé, ainsi de suite. Donc ce qu'il sait, subhanahu wa ta'ala, il a ordonné de l'écrire. Et ceci fait donc partie de la foi au destin. Le troisième bénéfice que l'on tire de ces hadiths, c'est que celui qui renie le destin, qui ne croit pas au destin, c'est un mécréant ou un innovateur. Et ce, en fonction de ce qu'il a renié. S'il renie le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait toute chose, alors c'est un mécréant. Sinon, c'est un innovateur en fonction de sa croyance. Et cela nous est démontré par les hadiths par trois choses. Premièrement, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas de lui une aumône, même s'il dépense une aumône immense sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième chose, c'est le désaveu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et la troisième chose, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala le menace du feu de l'enfer. Comme il est venu dans le hadith, Allah le brûle dans le feu. Et si tu meurs sur autre que cela, tu feras partie des gens du feu. Donc ces trois choses nous démontrent la gravité du fait de renier le destin. Le quatrième bénéfice que l'on tire de ces hadiths, c'est l'obligation de revenir aux gens de science lorsque la personne a un doute ou une ambiguïté au sujet d'une question religieuse. Et cette ambiguïté ou ce doute ne peut être dissipé que par la science, en revenant aux gens de science. Et c'est cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné dans son noble livre lorsqu'il a dit « Fas'alou ahla dhikri in kuntum la ta'lamoun » « Interrogez les gens du rappel si vous ne savez pas ». Enfin, le cinquième bénéfice que l'on tire de ces hadiths, comme on a mentionné, que les gens de science, ils ne prononcent leurs avis qu'en se basant sur les preuves du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Regardez tous ses compagnons dans ces hadiths, ils ont tous eu des paroles relativement proches. Et ce, car ils se sont basés pour répondre aux questions qui leur étaient posées sur ce qu'ils avaient appris auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. D'autant plus en ce qui concerne la croyance, car tout ce qui concerne la croyance est limité au texte et n'est pas sujet à l'effort d'interprétation ou de réflexion. On a donc terminé ce chapitre et on verra dans le cours de demain, inshallah ta'ala, le chapitre suivant au sujet des faiseurs d'images. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.